Pas une semaine ne se passe sans que l'on vous annonce ici, dans le Journal des Sciences ou ailleurs, une fouille, un nouveau fossile, un record de taille, une nouvelle espèce, c'est bien simple. Jamais l'actualité concernant les dinosaures n'avait été aussi foisonnante, au point que l'on parle aujourd'hui de l'âge d'or des dinosaures, tant les fouilles sont fructueuses. Mais cet âge d'or n'est-il pas aussi l'âge de la précipitation? Que sait-on aujourd'hui de ces clades qui couvrent des centaines de millions d'années, des dizaines de milliers d'espèces extraordinairement diverses et que l'on regroupe sous l'appellation commune de dinosaures? On fait le point sur nos connaissances et promis, on vous dira si les raptors ont vraiment des plumes. Dinosaures, les rois maudits, c'est le programme foisonnant qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour faire le point sur nos connaissances, sur cette si vaste famille qui a régné bien plus longtemps sur notre planète que nous autres pauvres petits mammifères, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Ronan Alain. Bonjour. Bonjour. Vous êtes paléontologue, maître de conférence au Centre de recherche sur la paléobiodiversité et les paléo-environnements du Muséum national d'histoire naturelle. Et Éric Buffeteau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche émérite CNRS au laboratoire de géologie de l'École normale supérieure. Mais on commence par celle qui règne sans partage sur l'actualité scientifique, même si elle ne pompe à deux. C'est Natacha Trio pour le Journal des sciences. On ne sait pas. On ne sait pas. Les études restent à faire. Bonjour Nicolas. Allez, on reprend un peu le sérieux et on commence ce journal avec une étude parue hier dans Science Advances. Les archéologues ont découvert l'un des plus vieux instruments de musique. Il s'agit d'un grand coquillage, d'une conque décorée d'empreintes digitales en pigments rouges. Elle a été découverte en 1931 dans la grotte ornée de Marsoula, dans les Pyrénées, qui a été occupée par les Magdaléniens du Paléolithique supérieur. En 1931, les chercheurs ont cru qu'il s'agissait d'une tasse pour boire lors des cérémonies. Cet objet a donc attendu sagement dans les réserves du Muséum de Toulouse pendant plus de 80 ans, jusqu'à ce que les chercheurs du CNRS s'y intéressent à nouveau. Ils ont examiné l'intérieur de la coque avec un scanner et une petite caméra médicale. Ils ont découvert qu'un petit trou étroit avait été percé dans la pointe de la coquille, tandis que l'autre extrémité avait été taillée, débitée. Alors ce ne sont pas des cassures accidentelles, et pour prouver que cette conque servait bien à produire des sons, les chercheurs l'ont testée, ils ont fait appel à un joueur de cor, il en est sorti trois notes, do, do dièse et ré. Voilà, vous venez d'entendre la musique du Paléolithique supérieur. Alors, selon les datations au carbone 14, cet instrument serait vieux d'environ 18 000 ans. C'est le plus vieil instrument à vent de ce type. L'équipe pense qu'un embout buccal devait être fixé à l'extrémité. Les chercheurs ont fait un moulage 3D pour faire plusieurs expériences acoustiques. Peut-être que cette conque pourra produire d'autres notes. Et si vous voulez réentendre cette musique préhistorique ou simplement lire l'étude qui a donné lieu à cette nouvelle du Journal des Sciences, et bien tout cela, c'est sur notre fil Twitter, @lamethodefc, et sur notre page internet sur le site de franceculture.fr. Et on passe au bref. Le prix international L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science vient de présenter ses lauréates pour l'année 2021. Oui, aujourd'hui, c'est la journée internationale des femmes et des filles de science. Et depuis 23 ans, la fondation L'Oréal et l'UNESCO récompensent 5 femmes scientifiques de 5 régions du monde. Cette année, pour l'Europe, le prix revient à la française Françoise Combes, astrophysicienne, professeure du Collège de France sur la chaire Galaxie et Cosmologie et chercheuse à l'Observatoire de Paris. En octobre dernier, elle était notre invitée à l'occasion de sa remise de la médaille d'or du CNRS 2020. Voilà, et on la félicite et on vous remet le lien vers l'émission que nous avions consacrée à Françoise Combes justement pour cette médaille d'or. Hier, la sonde chinoise Tianwen-1 a atteint à son tour son orbite autour de Mars. Oui, la sonde Tianwen-1 a donc rejoint la sonde Al Amal des Émirats Arabes Unis, qui est arrivée, elle, mardi, sur l'orbite de Mars. Alors, Tianwen-1 a pour mission l'étude de l'atmosphère et de la géologie martienne. Son rover à énergie solaire devrait atterrir au mois de mai. Il recherchera aussi des traces de vie passée. Alors, dans cette compétition internationale de programmes spatiaux, l'ambition de la Chine, c'est de devenir le premier pays à rapporter sur Terre des échantillons martiens d'ici 2030. Tianwen 1 est une première étape, une mission de repérage. Quant au rover de la NASA Perseverance, il est toujours en route pour Mars et devrait arriver à destination jeudi prochain. Et pour conclure, l'Agence spatiale européenne recrute des astronautes, Natacha. Et c'est la première fois depuis 11 ans que l'ESA va recruter de nouveaux astronautes. Cela correspond à cette nouvelle ère de l'exploration spatiale dans laquelle s'engage l'Europe. L'agence évoque un changement générationnel et encourage vivement les femmes à postuler. L'ESA souhaite que la diversité soit mieux représentée dans ce secteur. L'ouverture des candidatures est prévue du 31 mars au 28 mai, avec une sélection en 6 étapes et des nominations prévues en 2022. On en saura plus mardi prochain sur cette nouvelle campagne de recrutement. Voilà, moi j'ai déjà rédigé ma lettre de motivation avec un très joli stylo à plumes. Merci beaucoup Natacha et à demain pour le journal des sciences et de la science-fiction. 165 millions d'années, telle aura été la durée du règne, alors non pas sans partage, mais en tout cas de l'extraordinaire succès écologique et évolutif des dinosaures. Mais si dans l'esprit commun, tout est mélangé, du terrible tyrannosaure au véloce vélociraptor, de l'imposant brontosaure au cornu triceratops, des volants ptérodactyles et aux archéoptérix emplumés. Toutes ces créatures sont pourtant bien distinctes, parfois très éloignées dans le temps, et pour certaines d'entre elles, n'appartiennent même pas à la branche phylogénétique dite des dinosaures. Un exemple amusant, plus de temps s'est écoulé entre l'apparition du stégosaure, ce gros herbivore, vous savez, avec des plaques dressées sur le dos, et celle du tyrannosaure, que entre l'apparition du tyrannosaure et de l'être humain. C'est dire la durée du succès évolutif et du règne de ces dinosaures sur notre planète. On va faire le point sur les dernières découvertes sur les dinosaures, d'autant plus qu'elles sont de plus en plus nombreuses, contrairement à il y a une soixantaine d'années, où trouver un gisement fossile était encore exceptionnel, comme en témoigne notre archive du jour. Ce sont effectivement des dinosauriens, je dis bien sauriens, pour insister sur le fait qu'il s'agit de reptiles. Ce sont plus exactement des reptiles géants qui pouvaient peser jusqu'à 30 tonnes. À quelle époque géologique vivaient-ils ? Ces dinosauriens sont apparus à la surface de la Terre il y a quelques 150 millions d'années, au début de l'ère secondaire, et ils se sont éteints brusquement à la fin de l'ère secondaire, c'est-à-dire à la fin du Crétacé. La découverte d'œufs de dinosaures est quelque chose de très rare. Il n'y a que quelques années qu'on a découvert ces œufs et qu'on a eu par conséquent la preuve qu'ils étaient ovipares. Et ces gisements d'œufs de dinosaures sont très rares dans le monde. Il n'en existe guère qu'une dizaine. Le gisement de Clapier, près de Montpellier, de Clapier-Jacou, va donc prendre place auprès de ces fameux gisements d'œufs de dinosaures. Probablement qu'il ne s'agit pas du dernier gisement du monde en importance. Et il viendra peut-être, si les découvertes continuent, au quatrième ou au cinquième rang du monde. J'ajouterai d'ailleurs qu'on a trouvé il y a quelques jours, dans le midi de la France, au nord d'Aix, un squelette presque entier de dinosaures. Cette dernière découverte, ainsi que la découverte des œufs de la région de Montpellier, semble indiquer que le midi de la France est en train de devenir une des régions les plus classiques et les plus intéressantes du monde pour l'étude des dinosaures. Voilà, le midi de la France, mais vous allez voir qu'il n'y a pas que dans le midi de la France que on trouve aujourd'hui des gisements passionnants. Voilà, les choses ont bien changé, aurais-je envie de dire, Ronan Alain, depuis 1960 et cette dizaine de gisements exceptionnels. Alors les choses ont bien changé, mais on continue à trouver des dinosaures dans le midi de la France. Il y a toujours des descriptions, il y en a eu l'année dernière d'ailleurs, des nouveaux spécimens et des nouveaux fossiles qui viennent de ces régions-là. Finalement, on n'a pas énormément changé nos gisements. Les gisements sont un petit peu les mêmes depuis une quarantaine ou une cinquantaine d'années. On exploite toujours les mêmes continents, les mêmes couches géologiques, les mêmes formations géologiques fossilifères. Et on regarde, on attend aussi patiemment que s'ouvrent de nouveaux territoires, puisqu'il y a beaucoup de territoires qui font envie aux paléontologues. Comme par exemple. Dans lesquels on aimerait pouvoir se promener, quoi. Comme par exemple. Oh, toute l'Afrique centrale, l'Asie centrale intéresse pas mal les paléontologues. Je pense qu'on peut aussi parler de l'Afrique. L'Afrique est un continent qui reste encore peu exploré et pourtant qu'il y a des possibilités qui sont vraiment énormes en termes d'affleurement, hein, puisque ce que nous, on recherche, ce sont vraiment des formations géologiques qui affleurent à l'air libre, sans végétation. Hein, comme ça, on est directement sur le caillou et directement sur les fossiles. Donc voilà, il y a encore pas mal de ces pays qui sont fermés pour des raisons diverses et variées, souvent pour des raisons géopolitiques, mais dans lesquelles on aimerait bien aller se promener. Éric Buffetaud, votre réaction à cette archive de 1960? C'est assez amusant parce que je travaille personnellement dans le sud de la France et on nous présente à cette époque les œufs de dinosaures, par exemple, comme des fossiles extraordinaires et ultra rares, alors qu'en fait, des endroits où littéralement on marche dessus, hein, dans le sud de la France, on trouve beaucoup plus d'œufs ou de fragments d'œufs en tout cas que d'ossements. Donc la perspective a pas mal changé. Maintenant, il faut se remettre dans le contexte de l'époque où on croyait que les œufs de dinosaures étaient des raretés extraordinaires, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. On mesure comme ça le chemin parcouru en quelques décennies. Et puis, l'avantage aussi de ce reportage, c'est de nous rappeler que les dinosaures, c'est pas forcément des choses qu'on trouve dans des endroits exotiques. Hein. La France regorge de gisements de dinosaures. Il y a ceux du midi de la France, mais on pourrait parler aussi de ceux de Normandie, du Jura, de Lorraine, des Charentes. Il y en a un peu partout, pour tout dire. Et ça, le public n'en est pas toujours très conscient et il oublie facilement. La France terre de dinosaures, c'est quelque chose d'assez agréable à entendre. Ce qui est intéressant et la raison pour laquelle on a choisi cette archive, c'est qu'on entend dire qu'à l'époque, il y a une dizaine de gisements en tout et pour tout. Aujourd'hui, on parle de l'âge d'or des dinosaures, comme je le disais dans l'introduction. C'est vrai qu'il y a énormément de publications, en tout cas des publications à un rythme très abondant. Si on prend par exemple les 6 premiers mois de l'année 2019, en juillet 2019, 31 nouvelles espèces répertoriées en seulement 6 mois. Comment est-ce qu'on explique finalement cette espèce de ruée vers l'or dinosaurien, Ronan Alain? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a le travail de terrain qui se poursuit dans certains endroits à une vitesse assez effrénée. On peut penser par exemple à l'Argentine ou à la Chine où il y a pas mal d'équipes qui sont sur le terrain et qui trouvent continuellement des nouveaux sites, des nouveaux fossiles. Donc ça, c'est la première raison. Après, il y a aussi tout un tas de fossiles qui dorment dans les collections depuis de temps en temps des dizaines et des dizaines d'années, qui n'ont pas forcément trouvé un scientifique pour être étudié. Et donc, on va exhumer certaines de ces collections, on va les réétudier, et on va se rendre compte de temps en temps qu'on a un dinosaure qui dort au fond du musée et qui dort des fois depuis 50 ans ou depuis un siècle. Et puis après, il y a les méthodologies employées. Les grandes nouveautés depuis, on va dire, le début des années 2000, c'est que toutes les technologies qu'on connaît en science sont appliquées aux dinosaures et donc ça permet d'étudier les dinosaures sous un nouvel aspect, si je puis dire, et puis ça permet de temps en temps d'accéder à des données qu'on n'avait pas avant qui peuvent nous fournir des éléments pour décrire des nouvelles espèces. Et on en discutera tout à l'heure de ces nouvelles techniques. Ça passe du synchrotron à l'analyse moléculaire, parfois même, il y a une grande énigme, on y reviendra certainement sur peut-être même des traces d'ADN, ce qui serait scientifiquement assez surprenant. Un mot peut-être là-dessus aussi, Éric Buffetaud, sur cette précipitation, cet âge d'or qui donne parfois aussi lieu à des études un peu limites, certaines études qui ont pu être notamment, on pense à une étude qui a été retirée sur un tout petit dinosaure qui aurait été découvert dans l'ambre, en fait, il s'avérait que ça n'était absolument pas du tout un dinosaure, que ça a été publié trop rapidement. Oui, ça a été publié trop rapidement. Je connais assez bien cette histoire de ce supposé dinosaure de l'ambre de Birmanie qui s'est avéré être un lézard. Et là, je pense que les auteurs, dont je connais un certain nombre d'ailleurs, et qui sont des gens tout à fait respectables par ailleurs, ont pris un peu leur désir pour des réalités. Et on voit souvent ce qu'on a envie de voir. Donc ils ont vu une jolie petite tête de lézard dans l'ambre. Alors, il faut savoir que des lézards dans cette ambre de Birmanie, c'est pas rare du tout. J'en ai vu des quantités. Et puis, eh bien, ils avaient envie de voir un dinosaure et ils ont vu un dinosaure. Bon, ils ont reconnu leur erreur. C'est ça le plus important, je dirais. Mais ça témoigne aussi d'une certaine précipitation à publier, bon, qui n'est pas propre aux dinosaures. Hein. Ça pourrait se retrouver dans beaucoup d'autres parties de la paléontologie, dans d'autres disciplines scientifiques. mais qui mènent parfois à des bévues, disons. On continuera tout à l'heure à discuter de certaines de ces recherches, certaines de ces publications, des publications qui posent un peu question. Il y a effectivement peut-être une course aussi, hein, on en a beaucoup parlé ici, le publisher perish, on sait que ça ne produit pas toujours que de la bonne science, mais on va reparler généralement aujourd'hui de l'état de nos connaissances sur cette immense clade qu'est les dinosaures. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons donc des... Oups, ça. Il avait pas... Il avait des choses à dire, celui-là, manifestement. Allez, on parle des dinosaures tout au long de cette heure, en compagnie de Ronan Alain et d'Éric Buffetot. Peut-être qu'on peut recommencer par le début, Ronan Alain. On parle des dinosaures, encore une fois, on parle de quelque chose de très très vaste. Qu'est-ce que c'est exactement que les dinosaures, que cette famille immense qui s'étale sur des dizaines, des centaines de millions d'années? Alors, les dinosaures, déjà, pour bien les situer, on est vraiment dans le groupe des reptiles, des sauropsides. Donc, ce sont des reptiles. Alors, au sein des reptiles, ils ont quelques particularités et on va les grouper avec, entre autres, qu'on connaît beaucoup mieux, les crocodiles. Mmh. Hein, ils forment avec les crocodiles, ils sont dans un groupe qu'on appelle les archosaures. Et donc, par exemple, ils sont caractérisés par des fenêtres supplémentaires qui sont dans le crâne de ces animaux et qu'on distingue très bien sur les fossiles comme sur les animaux actuels. Donc voilà, donc là, on est chez les archosaures et très rapidement, les archosaures sont très diversifiés au cours du Trias, donc aux alentours de 230-240 millions d'années. On a tout un tas de groupes d'archosaures qui sont présents, donc qu'on va retrouver donc à l'état fossile. Et c'est parmi ces groupes d'archosaures que vont s'individualiser en fait les dinosaures. Et à partir de là, ils vont suivre leur propre évolution, leur propre vie, si je puis dire. Et on va voir rapidement se diversifier d'un côté ce qu'on appelle les saurischiens, donc les dinosaures qui ont un bassin qui évoque celui des lézards, et de l'autre côté les ornithischiens, les dinosaures qui ont un bassin qui évoque celui des oiseaux. Mmh. Voilà, donc ça se met rapidement en place, ça, il y a à peu près 225-220 millions d'années. Et puis après, il va y avoir différentes étapes évolutives, puisque tous les dinosaures n'ont pas vécu du tout en même temps. Hein. On a des périodes qui sont très bien marquées, avec certains groupes présents, par exemple, au Trias, donc au début de l'ère des dinosaures, on va trouver un groupe qu'on appelait avant les prosauropodes, hein, qui sont avant les sauropodes. Ce groupe-là va disparaître au cours du Jurassique. Donc, par exemple, ce groupe-là n'a jamais côtoyé les stégosaures, ou les tyrannosaures ou les triceratops. Donc, on a vraiment une évolution, comme il y en a dans tous les groupes, avec des familles de dinosaures qui vivent avec des époques très particulière, et on va avoir une évolution qui suit celle de la planète, en fait. Bien sûr. Ce qui est intéressant, ce qu'on peut dire, c'est que ça commence hein, avec une extinction massive, Éric Buffetot, celle du Permien-Trias, donc à 230 millions d'années, qu'on décrit comme étant l'extinction massive la plus importante de l'histoire de notre planète, avec la disparition de 95% des espèces marines et de 70% des espèces terrestres. Et comme souvent, eh bien, quand il y a extinction, ça rebat les cartes de l'évolution, ça laisse des niches écologiques vacantes, et c'est de cette extinction vont profiter les dinosaures pour commencer finalement leur succès évolutif. Oui, alors les dinosaures ne commencent pas leur succès immédiatement après cette grande extinction. Il faut voir qu'après cette énorme extinction de la fin du Paléozoïque, il a fallu pas mal de millions d'années pour que les écosystèmes se reconstituent. Mais effectivement, le développement des dinosaures s'inscrit dans cette diversification qui a suivi cette énorme extinction. Et donc qui a favorisé le développement de toutes sortes de groupes de reptiles, disons, que Ronan a évoqué, parmi lesquels figurent les ancêtres des dinosaures et les dinosaures eux-mêmes. On peut dire que l'histoire des dinosaures, elle s'inscrit en fait entre deux grandes extinctions, celle de la limite Permien-Trias, et puis celle, bien sûr, qui a provoqué leur disparition à la fin du Crétacé. Et il va y en avoir une, d'ailleurs, hein, qui va peut-être d'ailleurs commencer et marquer l'âge d'or, ou en tout cas le règne des dinosaures, et qui va créer les dinosaures tels qu'on les a en tête, c'est-à-dire qui va lancer l'ère du gigantisme. Et peut-être pour commencer, avancée, ce sera l'extinction Trias-Jurassique. Mais peut-être d'abord, pour casser un peu justement les images d'épinal que l'on peut avoir, le début de cette diversification à la suite de l'extinction Permien-Trias, c'est plutôt une réduction en taille au début. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça un peu, Ronan Alain? Au début, finalement, on a des petits reptiles qui vont commencer à se répandre un petit peu partout, peut-être déjà passer provisoirement à la bipédie ou pas encore? En fait, à l'origine, tous les dinosaures sont bipèdes et effectivement sont de très petite taille. Les premiers, les plus vieux dinosaures qu'on connaît à l'heure actuelle ne dépassaient pas la cinquantaine de centimètres. Hein, donc on est vraiment sur des petits reptiles, mais ces petits reptiles qui apparaissent vers 235 millions d'années, on connaît très bien le début de l'époque des dinosaures, en particulier parce qu'on a ces gisements magnifiques d'Argentine, hein, du côté de Chiguadasto. Et donc on a plusieurs représentants de ces premiers dinosaures et donc ils sont tous bipèdes, mais ils ont tous déjà des caractéristiques, et parmi ces caractéristiques, et l'une des plus marquantes probablement, c'est cette posture érigée. Vous mentionnez qu'ils étaient bipèdes, ce qui est vrai, et en fait, en plus d'être bipèdes, ces animaux donc ont des pattes qui sont bien droites, bien verticales sous leur corps. Donc ça leur permet des choses qu'on ne va pas retrouver chez les autres dinosaures, et il va falloir attendre près de, je vais dire, 40 millions d'années pour voir des dinosaures acquérir la quadrupédie, hein, pour voir les premiers sauropodes, pour voir les premiers stégosaures. Mais effectivement, les 30 premiers millions d'années de l'âge des dinosaures, les animaux sont essentiellement bipèdes. Se pose également, on pense que cette bipédie, c'est l'une des raisons du succès évolutif, parce que la bipédie, ça change la posture, ça va changer aussi l'organisation du système respiratoire, Eric Buffeteau. Tout ça est lié, le redressement des membres, c'est ce qui distingue vraiment les dinosaures des autres reptiles, entre guillemets, qui sont par définition des animaux qui rampent. Les dinosaures, eux, tiennent leur corps soulevé au-dessus du sol, qu'ils soient bipèdes d'ailleurs ou quadrupèdes, et ça a des conséquences importantes sur toute leur physiologie, je dirais, y compris donc leur respiration, y compris bien sûr pour commencer leur déplacement, parce qu'ils ont un mode de déplacement qui est différent de celui de la plupart des autres reptiles de cette époque, et qui est sans doute, au moins dans certaines circonstances, plus efficaces. Donc, l'acquisition de tous ces caractères qui les distinguent explique aussi leur succès évolutif. Et il faut bien les considérer comme des animaux qui étaient une espèce de nouveauté évolutive à cette époque, ce qui a pu leur permettre de triompher, entre guillemets, par rapport à d'autres types de vertébrés qui, à certains égards, étaient peut-être moins efficaces que les dinosaures. Se pose aussi la question de l'apparition de l'endothermie. Ça a été un débat qui a duré assez longtemps, hein, savoir si les dinosaures étaient des animaux à sang chaud ou à sang froid. La réponse est manifestement un peu entre les deux, Ronan Alain. Et dès le départ, l'endothermie apparaît, ou est-ce que ça aussi c'est un trait de caractère qui apparaît plus tard? Alors en fait, on cherche toujours, quand on étudie les animaux fossiles, et exclusivement fossiles, donc les dinosaures en font partie, on cherche toujours à calquer des modèles qui sont pris sur les faunes actuelles. Donc pour les dinosaures, on a souvent le modèle crocodile qui pourrait suggérer que les dinosaures sont à l'origine des animaux à sang froid. Le problème, c'est que depuis quelque temps, maintenant, on sait que les oiseaux sont des dinosaures à part entière, et donc on sait que les oiseaux ont un métabolisme qui est quand même très éloigné de celui des crocodiles, même si ce n'est pas tout à fait le même métabolisme que les mammifères. Donc en fait, on navigue effectivement entre deux eaux. Il faut bien voir que les dinosaures sont un groupe tout à fait particulier et qui avait probablement un métabolisme qui leur est propre. Ce métabolisme, il leur est propre, et c'est probablement ce métabolisme qui leur a permis d'atteindre des tailles aussi gigantesques. Si vous prenez un mammifère doit se nourrir souvent. Les plus gros mammifères ne dépassent pas, sont vraiment une taille très très très inférieure par rapport aux plus grands dinosaures. Donc ça veut dire qu'il y a un métabolisme qui est différent, mais qui n'est pas un métabolisme d'animaux à sang froid, puisqu'on sait que, par exemple, tout un tas de petits dinosaures carnivores avaient une activité assez importante. On sait qu'ils couraient, on a des empreintes qui nous disent ça, et dès le Trias. Donc voilà, donc effectivement, on essaye de reconstituer un métabolisme des dinosaures qui serait Pas des animaux à sang chaud, pas des animaux à sang froid. Alors, parler d'animaux à sang tiède, c'est probablement une erreur. Mais il faut aussi penser que tous les dinosaures n'avaient pas le même métabolisme. Entre un petit dinosaure avec des plumes et un énorme dinosaure type Diplodocus, qui devait avoir une température constante du fait de sa masse, il faut vraiment voir ça comme une diversité de métabolisme aussi, probablement chez les dinosaures. Un mot là-dessus, sur l'endothermie, Éric Buffeteau, et sur le rôle évolutif aussi, ou sur l'avantage évolutif que cela a pu donner à cette famille d'animaux. Sur l'endothermie, il faut voir aussi qu'on a pas mal progressé par rapport à ce qu'on pouvait penser il y a encore une trentaine d'années, par exemple, où on spéculait sur beaucoup d'aspects possibles de la vie des dinosaures. Aujourd'hui, on a quand même des approches, des techniques qui permettent d'évaluer plus précisément leur température corporelle, par exemple, hein, en utilisant, par exemple, les isotopes de l'oxygène dans les fossiles. Et ça montre que, clairement, beaucoup de dinosaures étaient endotherme plutôt qu'exotherme, ou au moins homéotherme, qui pouvait maintenir une température constante. Ça n'est plus tout à fait du domaine de la spéculation comme ça pouvait l'être auparavant. Alors il est certain que ça pouvait leur conférer des avantages par rapport à des animaux comme aujourd'hui, comme les reptiles d'aujourd'hui, que ce soit les crocodiles ou les serpents ou les tortues, qui sont limités par leur physiologie à des régions relativement chaudes, surtout en ce qui concerne les plus grosses espèces. Pour les dinosaures, c'est différent. On sait par exemple qu'il existait des dinosaures sous des latitudes élevées, avec des climats qui n'étaient pas aussi froids que ceux d'aujourd'hui au même endroit, mais qui étaient plutôt de style tempéré, par exemple en Alaska ou dans le sud de l'Australie. À des endroits où on trouve des restes de dinosaures, mais où pour l'instant, en tout cas, on n'a jamais trouvé de restes de crocodiles ou de grosses tortues. Donc de ce point de vue, il est certain que la thermophysiologie des dinosaures leur permettait de conquérir des milieux qui étaient inaccessibles à d'autres types d'animaux. Il est important de rappeler qu'à cette époque, la distribution des continents n'est évidemment pas du tout la même. On est encore à l'époque de la Pangée, et d'ailleurs, c'est la séparation de la Pangée va se passer pendant cette époque et ce règne des dinosaures. Peut-être qu'on peut avancer un peu dans le temps et dire que finalement le vrai succès évolutif, ou en tout cas le moment où les dinosaures vont prendre la forme qu'on leur connaît aujourd'hui, telle qu'on se la représente, c'est-à-dire avec les immenses herbivores d'un côté, les grands prédateurs carnivores, et puis de l'autre côté les dinosaures à carapace, à bec ou à cornes, c'est après l'extinction du Trias jurassique. Roland Alain, pourquoi à ce moment-là est-ce qu'il y a véritablement une explosion donc du règne des dinosaures? Et puis surtout, question importante, pourquoi le gigantisme en fait? Alors le Trias jurassique, c'est peut-être pas en fait la bonne période. Alors effectivement, il y a des extinctions à la fin du Trias jurassique qui ont dû permettre aux dinosaures en particulier de se répandre sur toute la planète. Je pense que c'est plutôt une phase de colonisation de l'ensemble des continents à laquelle on assiste à ce moment-là. Mais le véritable changement, il intervient un petit peu plus tard, plutôt vers 180 millions d'années, où là, on va voir tous les animaux qu'on connaissait au Trias et au Jurassique inférieur qui vont plus ou moins disparaître. Ces prosauropodes, par exemple, qu'on connaît en très très grande quantité, en particulier par exemple en Afrique australe, ou même le fameux plathéosaure qu'on a en Europe, ces animaux-là disparaissent complètement des écosystèmes. Les petits carnivores qu'on connaît aussi à cette époque-là vont disparaître. Et effectivement, vers 180 millions d'années, on voit se mettre en place les premiers représentants des groupes célèbres comme les stégosaures, les sauropodes et les mégalosaures, pour citer les carnivores. Donc cette diversification des dinosaures, cette diversification, elle est effectivement probablement lié, excusez-moi, à des épisodes d'extinction qui sont pas très bien reconnus en fait. Hein. On sait qu'au milieu du Jurassique inférieur, on a des ce qu'on appelle justement lié à l'ouverture de l'Atlantique Sud, on a des phases d'anoxie des océans. Ces phases anoxiques peuvent avoir des répercussions sur les faunes continentales. Et on pense que il y a des extinctions qui sont peut-être un petit peu cachées, parce qu'on a très peu de fossiles de ces époques-là, mais qui auraient favorisé la diversification des dinosaures. Donc c'est vrai que On a une évolution des dinosaures au cours des temps géologiques qui est vraiment marquée. Les grands pulses de cette évolution sont toujours marqués par des phases d'extinction et de radiation subséquentes. Donc voilà, donc tout ça se met en place. Et par contre, c'est vrai qu'on a une certaine homogénéité des faunes et que à la fin du Jurassique, on a déjà tous les grands groupes de dinosaures qui sont bien présents et on a déjà le gigantisme qui est apparu, que ça soit chez les dinosaures carnivores, les herbivores ou que ça soit les stégosaures ou les sauropodes. Alors pourquoi le gigantisme? Bah, probablement parce que c'est un type d'écologie qui n'était exploité par aucun autre groupe d'animaux à cette époque-là. Peut-être d'autres animaux se sont-ils essayé de grandir de taille, mais il se trouve que là, c'est les dinosaures ont pris le pas sur les autres. Alors pour quelle raison, c'est très difficile à savoir. On n'a pas de réponse à ça. Mais quoi qu'il en soit, de la même façon qu'on va voir après la disparition des dinosaures, les mammifères justement être les animaux qui vont dominer les écosystèmes. D'un point de vue de la taille, hein, je parle juste de la taille, c'est les dinosaures qui vont remplir ce rôle à la fin du Jurassique, et probablement aussi que c'est lié justement à leur métabolisme si particulier qu'ils ont besoin de moins d'énergie pour atteindre des tailles gigantesques, contrairement à d'autres animaux. Éric Buffetaud, un mot justement sur le gigantisme ? Le gigantisme, c'est un des aspects que l'on retient des dinosaures, mais l'erreur serait de croire que tous les dinosaures Bien sûr. Étaient gigantesques. Tout à fait. Effectivement, c'est parmi les dinosaures que l'on trouve les plus gros animaux terrestres qui aient existé, mais il y avait aussi des dinosaures qui étaient de la taille d'un petit oiseau, et puis il y avait un peu tout ce que l'on veut entre les deux extrêmes. Donc le gigantisme, c'est un des aspects spectaculaires de certains dinosaures, mais c'est pas la caractéristique de tous les dinosaures. Ensuite, quel avantage ça pouvait procurer? C'est certain que ça peut avoir des effets physiologiques, ça a aussi des contraintes physiologiques, mais un aspect assez simple des avantages du gigantisme, c'est que ça confère une certaine protection par rapport aux prédateurs. C'est plus facile de capturer un petit ou un moyen animal qu'un animal qui fait plusieurs dizaines de tonnes. C'est un point de vue assez simple et peut-être même simpliste, mais qui a pu jouer son rôle dans le développement du gigantisme chez certains dinosaures. Et dernière question, et puis ensuite on va passer non seulement aux méthodes d'étude, mais aussi à un certain nombre justement de découvertes récentes. La question des plumes qui s'est posée plusieurs fois, aujourd'hui elle est attestée finalement à partir de quelle époque? Est-ce qu'on a une idée là aussi en termes d'avantages évolutifs, certainement liés à l'endothermie, mais pas uniquement, Renan Alain, de ces dinosaures à plumes? Alors les premières, les plus vieilles plumes, proto-plumes, oui. Ouais, les premières proto-plumes, ça remonte à peu près à 150 millions d'années. On sait qu'on a déjà des belles plumes bien formées chez l'Archéoptéryx. Donc 150 même probablement avant, donc 160 millions d'années, même si on n'a pas tous les fossiles. Donc voilà, donc on sait que la plume est présente. En fait, finalement, très très rapidement. Après, c'est l'utilité de la plume qui est pas du tout la même. Ces protoplumes, évidemment, ne servent pas encore aux animaux à voler. On n'a pas encore des animaux qui sont des animaux volants comme on va en avoir après au Crétacé. Mais la plume est apparue. Donc la plume est apparue. Elle est apparue et c'est pareil. Si on réfléchit en termes d'adaptation, à quoi peut bien servir d'avoir des protoplumes, un espèce de duvet le long du corps, eh bien on retombe encore sur la question du métabolisme et sur le fait que des animaux qui ont des duvets vont pouvoir se protéger, vont pouvoir réguler leur température beaucoup mieux que des animaux qui ont une peau écailleuse. Donc voilà, donc on a ces fossiles. Maintenant, on en a vraiment énormément. On a même envie de dire, là, il y a des collègues viennent de publier un livre rien que sur les plumes, parce que on a tellement de données maintenant qui sont arrivées sur les plumes, sur leur nature, leur fonction, l'époque à laquelle on les a trouvées, les différents groupes, les différentes familles de dinosaures parmi lesquelles on les trouve, que maintenant il faut essayer d'intégrer un petit peu toutes ces données. Pour essayer de comprendre, retrouver l'histoire évolutive de la plume. Mais bon, clairement, on sait que la plume apparaît sans doute vers 170-160 millions d'années et qu'elle va se diffuser dans différents groupes de dinosaures et que Très peu de temps après son apparition, finalement, vers 150-140 millions d'années, les oiseaux vont pouvoir commencer à prendre leur essor. Et on va vous mettre le lien de l'émission que nous avions consacrée justement à l'apparition de la plume, de son usage. On avait consacré une heure entière à cette question qui était assez passionnante. On vous le met tout de suite sur notre fil Twitter. Nous, on va continuer à discuter des dinosaures, des méthodes aujourd'hui d'investigation des différents types de traces, parce qu'il n'y a pas que les fossiles dans la vie, et puis d'un certain nombre de recherches récentes qui ont attiré notre attention. Martinez, la chevauchée électrique sur France Culture à 16h35. Nous parlons des dernières nouvelles. Nous prenons en tout cas les dernières nouvelles de la recherche autour des dinosaures. Nous en parlons avec Ronan Alain qui est paléontologue, maître de conférence au centre de recherche sur la paléobiodiversité et les paléo-environnements au Muséum National d'Histoire Naturelle, et Éric Buffeteau qui est directeur de recherche émérite CNRS au laboratoire de géologie de l'École Normale Supérieure. Mais à mi-parcours aujourd'hui, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Clément Jovion. Bonjour. Bonjour. Vous avez soutenu votre thèse le 29 septembre au Centre de recherche en paléontologie de Paris. C'est une thèse Muséum d'histoire nationale CNRS. Le titre de cette thèse, De la vie à la pierre, préservation exceptionnelle d'arthropodes marins fossiles. Bienvenue à la recherche montre en main, on vous écoute. Merci. Alors, comme vous avez pu le voir avec mes collègues jusqu'alors, ou pas, je ne sais pas, la plupart des fossiles sont principalement des os, des dents ou alors des coquilles, des parties dures que l'on retrouve dans les strates géologiques. Cependant, nous, paléontologues, sommes parfois extrêmement chanceux puisque nous trouvons rarement des sites fossilifères exceptionnels où les structures qui sont normalement dégradées sont conservées. On parle alors de préservation exceptionnelle. On aura alors des plumes, vous allez en parler tout à l'heure d'ailleurs. J'ai donc pu travailler dans le cadre de ma thèse sur l'un de ces sites et en particulier donc celui de la Voulte-sur-Rhône, situé en Ardèche, qui est un site marin contemporain des dinosaures, qui date du Jurassique, à peu près 165 millions d'années. Et ce Jurassic Park sous-marin est particulièrement intéressant pour nous, car il présente une très riche biodiversité en invertébrés fossiles, dont des arthropodes, crevettes, des cousins de homards par exemple, ou des mollusques comme des pieuvres, et surtout que la préservation de ces fossiles est véritablement exceptionnelle. On leur trouve leur morphologie complète, y compris les parties molles et les organes internes, que l'on peut donc décrire et étudier. D'ailleurs, dans le cadre de ma thèse, j'ai pu mettre à jour, avec une méthode non destructive, tomographie à rayons X, un crustacé femelle qui a été fossilisé avec ses œufs, plus de 500. Cette découverte nous a permis de discuter de l'évolution de la reproduction dans ce groupe et constituer également une première mondiale. Mais comment de telles structures comment de telles structures se sont-elles donc fossilisées? Eh bien, dans ce domaine de la paléontologie que j'ai étudié, il y a deux grands courants, deux grandes approches. Soit on peut faire des expériences en laboratoire avec des organismes morts et en les laissant dans différentes conditions physico-chimiques et en observant si des minéraux se forment et répliquent les structures. Donc, est-ce qu'on arrive à produire des fossiles en laboratoire? Et le second axe que j'ai principalement exploré, qui est d'étudier directement la composition chimique et minérale de ces fossiles pour essayer de reconstituer les processus de fossilisation. J'ai donc pu utiliser, en collaboration avec de nombreux collègues scientifiques, techniciens et ingénieurs, des méthodes avancées des sciences des matériaux et des sciences de la Terre pour sonder la matière fossile du centimètre au nanomètre. Or, pour ces fossiles d'arthropodes de la voûte du Rhône que j'ai principalement étudiés, j'ai pu trouver que les composantes majoritaires de ces fossiles sont d'une part de la calcite, donc carbonate de calcium, comme la craie, ou l'apatite, ou phosphate de calcium, ce qui compose principalement nos dents et nos os par exemple, et enfin la pyrite, un sulfure de fer. Et surtout que différents organes ou différents tissus ont dans ces fossiles des compositions chimiques différentes d'une part, mais également similaires d'un fossile à l'autre. Par exemple, les muscles seront très riches en apatite. De plus, avec l'étude via la microscopie de la forme des cristaux et de leurs relations géométriques, j'ai pu mettre en avant que l'apatite et la pyrite ont précipité en premier et que la calcite a précipité ensuite. Et que toutes ces précipitations minérales, qui sont donc la clé de la fossilisation exceptionnelle aussi de la voûte sur Rhône, a eu lieu de manière précoce, avant l'induration du fossile. Or, on a un souci, c'est que dans cet environnement sous-marin, dans la boue, dans le sédiment, certains des ions qui sont nécessaires à cette précipitation minérale étaient probablement absents ou en quantité insuffisante. Cela nous a donc mené à supposer que c'est la décomposition, ces ions sont présents dans la matière organique. Cela nous a donc mené à supposer que c'est la décomposition des carcasses qui a permis la fossilisation et la minéralisation du coup. Et donc, paradoxalement, c'est la décomposition qui a permis la fossilisation et la préservation exceptionnelle à la voûte du Rhône. Merci beaucoup Clément Jovion pour cette présentation de vos travaux. On va parler dans un instant de différentes méthodes d'exploration. Justement, peut-être une réaction à ce que vous venez d'entendre, Renan Alain. Oui, bah je connais les travaux de Clément puisqu'il était dans notre laboratoire à Paris. Donc ce que Clément fait quand il parle de gisements à préservation exceptionnelle, ce qu'on appelle des lagers têteux, c'est ce qu'on est en train de faire aussi. Alors un petit peu à reculons sur nos travaux actuellement en Jacques. Et nous aussi, on a des approches qui sont des approches géochimiques puisqu'on s'interroge beaucoup pour savoir quelles sont les conditions les plus favorables à la préservation d'organes comme les plumes, justement, qui nous en apportent beaucoup sur les dinosaures. Donc voilà, c'est des approches qui demandent des technologies assez avancées et assez poussées, mais qui demandent aussi des prises d'informations sur le terrain qui sont vraiment très très importantes. Donc voilà, c'est ce qu'on applique sur les dinosaures ou sur des organismes comme ceux que les arthropodes que Clément Jovion a étudié. En fait, ce sont les mêmes méthodologies, quel que soit le groupe étudié en paléontologie. On va continuer à voir comment on peut étudier aujourd'hui avec des techniques très contemporaines, justement, les traces laissées par les dinosaures. Et pour cela, nous sommes rendus précisément au Muséum National d'Histoire Naturelle à la rencontre d'un paléontologue qui examine de très très fines tranches d'os de dinosaures. Et c'est votre reportage du jour. Antoine Beauchamp, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai rencontré Damien Germain qui est maître de conférences en paléontologie au MNHN et spécialiste d'histologie osseuse. À partir de fossiles d'hadrosaures récupérés dans les collections du muséum, Damien Germain nous explique en quoi consistent les analyses de très fines tranches d'os de dinosaures et ce que leur étude, notamment au microscope, nous permet de dire sur leur biologie ou encore sur leur croissance. Donc ici, voilà, on a plusieurs tiroirs où il y a marqué dinosaure. Donc j'en ouvre un peu au hasard. Donc là, plusieurs petites boîtes. Donc il y a plusieurs petites boîtes avec différents morceaux de spécimens. Je vais en ouvrir un autre où il y aura, je pense, des lames. Ici, dans cette boîte, hein, qu'on appelle une boîte lab, il y a plusieurs lames. Alors c'est vrai que Normalement, on a des boîtes assez standardisées parce qu'on a des lames de format standard. Le problème des dinosaures, c'est que c'est souvent assez gros. Donc, on a des formats qui sortent un peu de l'ordinaire. Et pas homologués. Il faut changer un petit peu autrement. Alors là, vous prenez une lame mince, justement. Voilà, avec une lame mince qui est donc de l'adrosaure. Donc, un dinosaure, on va dire, à bec de canard. Oui. Voilà, très très beau, on dirait presque un silex. C'est très translucide. C'est très translucide et il y a le vert, on voit à travers, là, qui est un petit peu jauni. Ça, c'est les résines qu'on met autour pour protéger, qui parfois jaunissent avec le temps. Et on a l'os à l'intérieur que si je passe ma main derrière, on voit en transparence et donc ça permet de faire des observations au microscope. Alors, quel type d'observation au microscope on pourrait réaliser sur cette lame mince? Donc là, on est vraiment face à un os qui est mince comme du papier à cigarette. Et quelles informations on pourrait retirer de ce type d'observation au microscope? Globalement, là, les coupes qu'on a, elles font entre 30 microns, si vraiment très très fines. Mais parfois, on a des observations à 100 microns, 70 microns, donc c'est quand même très très fin. C'est normal parce que c'est quand même du caillou, donc c'est de l'os transformé en pierre, donc faut quand même amincir suffisamment pour pouvoir voir à l'intérieur. Et on peut voir au microscope plein de sortes de choses. On peut voir par exemple, ça c'est le truc finalement le plus classique pour commencer à expliquer, c'est des lignes d'arrêt de croissance. Quand un animal grandit, parfois, à la mauvaise saison, sa croissance se ralentit, voire s'arrête. Et après, à la bonne saison, elle repart. Et donc, ça laisse une marque, un peu comme les cernes des arbres. Donc, si on a un os suffisamment grand, on peut compter ces lignes d'arrêt de croissance. On peut avoir une idée de l'âge de l'animal à sa mort. Alors, c'est un peu compliqué parce que parfois, les premières lignes d'arrêt de croissance qui sont vraiment à l'intérieur de l'os, elles sont érodées parce que l'os grandit et donc la cavité médulaire, comme on dit, la cavité à l'intérieur, et s'élargit, donc efface les premières lignes. Mais globalement, on peut aussi calculer l'espace qu'il y a entre différentes lignes d'arrêt de croissance et savoir, en gros, la vitesse de croissance de l'animal, et voir aussi ses variations de croissance. Mais on peut voir aussi d'autres choses qui ne sont pas forcément ces mêmes lignes. Là, je vais montrer plutôt l'image. Ouais. Alors là, vous avez imprimé un papier. Donc là, on est sur un zoom réalisé au microscope. Oui, c'est un zoom réalisé au microscope, sans doute d'une lame, peut-être une de celles que je vous ai montrées, ou quelque chose d'assez proche. Et là, on voit des trous, en fait. Ce qui a une couleur orangée, c'est l'os, et en couleur noire, ce sont des cavités, qui sont en fait des restes des canaux vasculaires. Alors, il n'y a plus les vaisseaux sanguins, ça s'est décomposé, etc. Mais à l'intérieur de l'os, il peut y avoir des vaisseaux sanguins qui le parcourent, et donc qui laissent, en fait, une trace. Et donc, on peut voir l'orientation de cette vascularisation, qui est souvent liée au métabolisme, à la vitesse de croissance. Là, on voit qu'il y a différentes orientations. Il y en a certains qui sont vraiment circulaires, donc ce qui veut dire qu'ils ont été coupés perpendiculairement par rapport à la coupe, donc par rapport à ce qu'on voit. Donc c'est comme s'ils venaient vers nous, mais il y en a d'autres qui sont très allongés, et donc eux, ils sont, ils sont plus ou moins concentriques par rapport à l'os. Et on peut avoir aussi parfois, si on n'a pas de ligne d'arrêt de croissance, on peut avoir parfois des changements d'orientation de vascularisation qui font aussi des lignes et qui correspondent à ces variations de croissance. Donc là, vous analysez vraiment très finement et en détail très très fin ces fossiles-là. Quelles sont les grandes questions qu'on se pose grâce à ces outils autour de du fonctionnement, de la biologie des dinosaures, de leur évolution éventuellement? Il y a aussi autre chose qu'on peut faire aujourd'hui qui était plus difficile à faire il y a quelques années, c'est les CT scans. La tomographie à un ion X, et là, ça permet pas d'avoir une aussi belle résolution que ce qu'on a au microscope, mais par contre, on a de la 3D bien plus précise, et on peut aller voir, par exemple, comment sont organisées les articulations. Dans les articulations, souvent, on a ce qu'on appelle des travées osseuses, donc des espèces de baguettes plus ou moins ramifiées, c'est assez connu dans le fémur des humains, par exemple, mais on peut extrapoler ça aux dinosaures, et que ces baguettes osseuses, ces travées, ont tendance à s'orienter selon les lignes de force principales. Et donc, en regardant l'orientation de ces travées osseuses, on peut savoir quelles étaient les forces qui s'appliquaient dessus et faire ce qu'on appelle de la biomécanique, savoir un peu comment était la locomotion des dinosaures. Alors, ça peut se faire aussi par rapport à des données externes, par rapport à la forme de l'os, mais les données internes aussi apportent aussi des informations supplémentaires avec, par exemple, les insertions musculaires. On peut avoir des orientations qui reflètent en fait l'insertion d'un muscle à un endroit. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet de corriger des erreurs de représentation ou d'interprétation qu'on avait pu avoir justement avec des observations moins fines. Oui, tout à fait. L'image qu'on a eue des dinosaures a beaucoup évolué depuis leur première découverte. Au début du 19e siècle, On représentait ça comme des reptiles assez pataux, lents, etc. Un peu comme des varans, mais encore plus lents. La queue traînant par terre. Certains qui avaient une position un peu de kangourou, mais pas du tout sauteur, etc. Mais bon, avec différentes découvertes, on s'est rendu compte que c'était des animaux beaucoup plus actifs. Finalement, ben, la plupart des dinosaures, si ce n'est tous, n'avaient pas la queue qui traînait autour du sol. Ça, on a vu des tendons ossifiés sur les colonnes vertébrales qui montraient que voilà, c'était comme ça. Il y a aussi eu, c'est un peu plus loin de mon domaine, mais les empreintes de pas qui sont quand même, qu'on retrouve pas forcément fréquemment, mais voilà, on en a quand même pas mal, qui montrent il n'y a pas de traces de queue qui traînent, alors que sur d'autres petits reptiles, on a aussi d'autres empreintes de pas où on voit la trace qui a été imprimée. Donc beaucoup de choses ont été montrées. Et après, au niveau, c'est un peu plus récent, mais du niveau d'activité de ces dinosaures, entre autres avec l'histologie osseuse, mais aussi beaucoup d'autres techniques, on voit que c'était des animaux beaucoup plus actifs et on a fait évoluer nos représentations depuis. Voilà le reportage du jour au Muséum National d'Histoire Naturelle. Très rapidement, en quelques mots, une réaction à ce que vous venez d'entendre et plus généralement même aux différentes techniques d'investigation aujourd'hui pour compléter cette histoire très vaste des dinosaures, Éric Buffetaud. Ben oui, c'est un exemple que l'histologie osseuse, c'est une technique qui est développée depuis maintenant quelques dizaines d'années pour l'étude des fossiles, mais c'est un bon exemple des approches nouvelles qui permettent d'aller au-delà de la simple description de l'anatomie osseuse d'un animal et qui permettent de passer à des niveaux de compréhension de la physiologie, par exemple, d'animaux disparus. Et ça n'est évidemment qu'un exemple. J'ai parlé tout à l'heure des études de géochimie isotopique qui permettent de reconstituer des choses comme la température corporelle ou le régime alimentaire. On pourrait parler aussi des techniques d'imagerie moderne qui permettent de voir à l'intérieur des fossiles d'une façon qu'on ne imaginait pas auparavant. Donc il y a tout un ensemble d'approches et de techniques nouvelles qui a, dans une certaine mesure, pas mal révolutionné la paléontologie. Un mot, Renan Alain, que ce soit effectivement sur cela, on pourrait parler, comme vient de l'évoquer Éric Buffetaud, du rayonnement synchrotron qui permet notamment de voir à l'intérieur des œufs ou d'avoir pas mal de précisions sur l'évolution embryonnaire des dinosaures récemment. Oui, on peut maintenant accéder à peu près à toutes les échelles d'observation sur les dinosaures, ce qui n'était pas le cas encore il y a une trentaine ou une quarantaine d'années. Alors pour les œufs, effectivement, la lumière synchrotron permet plusieurs choses. Alors ça peut être sur les œufs, ça peut être sur les boîtes crâniennes aussi, puisqu'on est capable de reconstituer des endocrânes de dinosaures. Maintenant, on est capable de reconstituer, par exemple, des oreilles internes, des labyrinthes. Donc on sait plus ou moins les positions le port de tête des dinosaures. On peut les déduire de ces études-là. On peut savoir s'ils étaient ou non agiles. Pour les œufs, on peut rentrer à l'intérieur des œufs et voir si des embryons étaient préservés. Alors ça reste quelque chose de très très rare, mais on a comme ça pu mettre en évidence des embryons, en particulier des petits embryons de prosauropodes. Mmh. Et puis surtout, c'est du matériel qui est tellement petit qu'il est difficilement manipulable. Le fait d'avoir ces outils nous permettent d'extraire en trois dimensions, de façon virtuelle, tout un tas d'objets qu'on va ensuite pouvoir manipuler et qu'on va pouvoir analyser avec tout un tas de techniques mathématiques, statistiques par la suite. Donc voilà, on est en train d'acquérir tout un tas de nouvelles données auxquelles on n'avait pas accès avant et qui nous permettent d'en savoir beaucoup plus sur la biologie, sur le mode de vie des dinosaures. Et au rang des nouvelles données, il n'y a pas que les restes fossilisés, il y a aussi les traces fossilisées. Alors moi, je dois dire qu'à titre personnel, je trouve ça extraordinaire d'imaginer que des traces puissent avoir été conservées sur une période de temps aussi vaste, puisqu'on parle de dizaines, voire de centaines de millions d'années. C'est les travaux que vous avez réalisés à Angeac, en Charente. Renan Alain, dites-nous un mot de ces travaux sur des traces extrêmement précises, hein, parce qu'on arrive à un niveau de détail assez incroyable. On voit les écailles. Oui, c'est ça. Ben là, sur Angeac, on est typiquement dans ce qu'on recherche vraiment quand on est sur un gisement fossile en paléontologie, c'est-à-dire qu'on est sur un gisement qui s'est formé dans un temps très très court. Il faut imaginer des argiles de décantation en bord d'un cours d'eau, d'une rivière ou d'un delta. Donc quelque chose de très très boueux, une espèce de marigot dans lequel pataugeaient beaucoup de crocodiles et de tortues et dans lequel des dinosaures évoluaient et donc laissaient des empreintes de pas. Alors le problème, le c'est pas un problème, mais des dinosaures sauropodes sont passés ici, les dinosaures sauropodes qui sont assez gigantesques, hein, puisqu'on a des fémurs de 2 mètres, 2 mètres 10 à Angeac, et donc ils ont laissé leur empreinte dans la boue. Alors c'est des empreintes qui sont très hautes, c'est des empreintes qui font plus de 1 mètre, et les argiles sont tellement fines qu'elles ont en fait moulé les doigts de l'animal. Donc les empreintes qu'on retrouve à Angeac, ce sont en fait des empreintes on appelle ça de la 4D, c'est-à-dire qu'on a l'empreinte de la patte, mais on a aussi l'empreinte du mouvement de la patte. Et au moment où l'animal ressort la patte de l'empreinte, il va laisser des petites traces de ses écailles le long de l'empreinte. Voilà. Et cerise sur le gâteau, ce qui est extraordinaire, c'est que quand cet animal a marché dans la boue, il a aussi marché sur d'autres dinosaures qui étaient déjà morts et qui étaient sur place, et donc a brisé des autres dinosaures, et on voit très bien les empreintes qui sont au-dessus d'os, qui ont été complètement brisées. Donc voilà, tout ça, c'est un travail qui nécessite une approche de terrain assez particulière, hein, puisqu'il faut être très très vigilant, et c'est un travail aussi de longue haleine, puisqu'on fait appel à la modélisation 3D derrière. Donc c'est issu d'un travail de thèse de Lee Rosada, qui a passé 3 ans à comprendre le fonctionnement de ce gisement. Pour conclure, Renaud-Alain Eric Buffeteau, un mot rapide sur aujourd'hui les recherches qui vous semblent intéressantes, où il y a pas mal de recherches qui sont intéressantes autour notamment de la couleur des dinosaures. On peut l'inférer, mais il manque des données parce que certains pigments ne supportent pas et ne résistent pas à l'épreuve du temps. Mais on sait, on peut dire que certains dinosaures sont gris comme des éléphants ou des rhinocéros, mais il reste aussi peut-être des possibilités d'avoir un peu plus de gamme de couleurs, du bleu, du vert, du jaune. Eric Buffeteau, qu'est-ce qu'on peut en dire? La grande difficulté, justement, c'est ces pigments qui ne se conservent pas facilement et qu'on ne sait pas retrouver. Ce qui fait que on a eu beaucoup d'espoir sur la couleur des dinosaures, surtout les dinosaures à plumes d'ailleurs, et aussi celle des oiseaux fossiles il y a quelques années, quand on a pu retrouver des méganosomes, donc des éléments qui portent les pigments. Le problème, c'est que ça a conduit à des reconstitutions de dinosaures ou d'oiseaux primitifs qui étaient tous uniformément noirs ou marrons, simplement parce que ces méganosomes ne donnent des indications que sur certains types de pigments. Donc il nous manque beaucoup de choses, tous les pigments rouges, verts, bleus, etc. Pour l'instant, on n'a pas trouvé le moyen de les reconstituer, entre guillemets, ce qui fait qu'il faut quand même prendre avec un certain recul ou prendre avec des pincettes les reconstitutions de couleurs que l'on fait actuellement. On a progressé dans ce domaine, je pense qu'on n'est pas encore vraiment en mesure de reconstituer de façon tout à fait fiable les couleurs des animaux disparus. Renaud-Alain, sur cette question, en un mot pour conclure? Bah oui, c'est ça, carotène, chlorophylle, tous ces pigments-là, on peut pas les retrouver, ils se fossilisent pas pour l'instant, ou alors peut-être qu'un jour on trouvera des techniques en géochimie ou en lumière synchrotron, je ne sais pas, peut-être qu'il y aura des techniques pour voir ces reconnaître ces pigments, mais pour l'instant on a plutôt effectivement des patterns de couleurs, c'est-à-dire qu'on sait que l'animal était plutôt sombre à ce niveau-là, plutôt clair à un autre niveau. C'est déjà pas mal quand on sait d'où on vient et quand on sait qu'il y a encore 100 ans tous les dinosaures étaient verts, marronnasses et vivaient au fond de l'eau. Là, on se rend compte que non, il y a vraiment des couleurs qui étaient très très différentes sur certains dinosaures, et donc on sait que ces couleurs sont liées probablement à des comportements sociaux assez particuliers, donc on peut extrapoler d'autres choses. Voilà. Donc on avance un petit peu dans toutes les directions, on arrive à avoir des informations qu'on n'avait absolument pas auparavant. Par contre, il faut avancer prudemment aussi, parce que on sait que de temps en temps, des choses qui sont enregistrées, il peut y avoir des problèmes qui sont liés aux technologies de temps en temps, ou des problèmes qui sont liés avec des problèmes de fossilisation, ce qu'on appelle de la diagénèse ou de la taphonomie, qui fait que de temps en temps, on observe des choses qui ne sont pas là véritablement. Bon voilà, c'est un travail de science. Hein. Mais c'est un travail de science sur lequel on reviendra. Je suis obligé de vous couper. On arrive à la fin parce que il n'y a évidemment pas assez d'une heure pour parler d'un groupe aussi grand, aussi divers et aussi passionnant que les dinosaures. On vous réinvitera l'un et l'autre et on continuera à parler peut-être de choses plus spécifiques pour se concentrer sur certaines caractéristiques, parce que tout cela est évidemment absolument passionnant. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci Renaud-Alain, merci Eric Buffeteau. C'était Jean-Frédéric aujourd'hui à la technique. Demain, c'est un vendredi fiction. Après un an de pandémie, nous avons interrogé des virologues, on a interrogé des infectiologues, des épidémiologistes et j'en passe, mais avons-nous vraiment vraiment interrogé ceux qui ont écrit, ceux qui ont imaginé ce que pourrait être le futur d'une planète où les questions liées à la santé déraillent. Demain, on parle santé, médecine du futur, vue par la science-fiction. Ce sera à 16h jusqu'à preuve du contraire.